Okay, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. As-salatu as-salamu ala rasulillah. Amma ba'd. طيب قد انتهينا من الأسماء الشرع. On a fini le tableau en ce qui concerne أسماء الشرع. العاقل للقريب, العاقل للبعيد, وأسماء الشرع للقريب غير عاقل, وأسماء الشرع للبعيد غير عاقل. طيب on avait parlé d'une règle également. On avait dit que si on faisait un signe vers un jama, c'est-à-dire formez les livres là comme ça, c'est-à-dire غير عاقل, on dit on utilisait quoi? هذا هو الأكثر. On avait bien dit que si on faisait un signe vers جمع غير عاقل, c'est-à-dire pluriel inerte, quand on dit qu'il ne résonne pas, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est comme un mur des montagnes, c'est ça que ça veut dire غير عاقل, qui ne résonne pas. الأكثر يستعمل هذه. طيب et on a dit qu'on pouvait utiliser également أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala هنا قال أولئك. Vous avez compris ça? Vous avez dit هو الأكثر. طيب après on a vu quoi? بارك الله فيكم. On a dit par exemple si on a un مبتدا غير عاقل جمع, طيب الخبر il va être comment? On a dit مفرد مؤنث. Vous comprenez ça? Par exemple الأبواب مفتوحة. طيب ou si c'est une sifa, هذه أبواب مفتوحة, هذه دروس مفيدة. On a même dit quoi, barakallahu fikoum, même si le mot de base il est masculin, comme quoi par exemple on a dit dars, à la base on dit هذا درس, mais au pluriel ça devient quoi? جمع التكسير. طيب on en avait parlé un petit peu avant, on avait dit que le جمع on le verra, il y a le جمع التكسير, جمع مذكر سالم et جمع مؤنث سالم. Et par rapport à ce que j'ai vu, tous les exemples qu'il nous a donné ici l'auteur du livre, c'est quoi? C'est que des pluriels جمع التكسير. Si vous avez fait attention, طيب, c'est beaucoup des pluriels غير عاقل. Parce qu'on a essayé de voir est-ce que c'est une règle générale ça. طيب, vous pour l'instant vous prenez ça. Tout pluriel, c'est-à-dire غير عاقل, et wallah alam c'est quoi? C'est le جمع التكسير. Parce que est-ce qu'on peut dire par exemple هذه الرجال قائمة. Vous avez compris ça? Ça Allah alam. C'est pour ça que vous mettez cette règle là comme on a dit. Si tu informes ou tu décris un pluriel غير عاقل, tu viendras avec quoi? Une description ou une information مفرد مؤنث. Ça veut dire quoi? Singulier féminin. C'est compris ça Ibrahim? C'est compris? Par exemple, on donne vite fait un exemple. هذه دروس مفيدة. طيب هذه مبتدا دروس خبر ومفيدة صفة. مفهوم هذا؟ Ici on dit هذه الدروس مفيدة, هذه مبتدا, الدروس بدل. Et ça on le verra dans 3. مفيدة خبر. Tout le monde a compris ça inshallah? Ça c'est عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça c'est le dos qu'on avait fait avant-hier. طيب inshallah tout le monde a compris bidnillah. طيب عندك يا محمد, comment on dit une entreprise, une usine? Sharikatun. طيب comment on dit quelque chose de pas cher, de pas coûteux? Rakhisun. طيب directeur d'entreprise? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment? المدير ولا مدير شركة؟ طيب القميص قميص. طيب بسم الله الدرس 18 الدرسون 18. On avait pas lu le texte hein. السلام عليكم الله وبركاته. تفضل يا عبود. Tout le monde se concentre. كم أخ لك يا محمد؟ لي أخ واحد. Très bien. وكم أختان لك؟ لا لي أختان. لا لا في نغا أنصتم. كم أختان لك؟ أنا ليزا بريباري لي تكست لفرا سي دي مو فاسيل سا. وكم أختان لك؟ أتوا أيمن؟ لي أختان. نعم. كم عجلة تمر؟ للدراجة يا محمد يا حامد. نعم، كم عجلة للدراجة يا حامد؟ لها عجلة يا بيان. عجلتان. Très bien. لها عجلتان. Suivant. كم عيدا؟ لا. كم عيدا؟ كم عيدا في في في السنة؟ يا بيان. في السنة. ما معنى عيد؟ العيد. تقول بالعيد. العيد. Voilà. Tu connais maintenant. Combien y en a d'Eid dans l'islam? Voilà. Deux. العيد الأضحى والعيد الفطر. كم عيدا؟ فعيد أن عيدا. كم عيدا؟ في السنة لاني. في السنة. يا زكريا. يا زكريا. نعم. طيب. essayez de préparer les textes les frères. ça va beaucoup vous aider ça inshallah. on suivant. في السنة عيداني. عيداني. il faut prolonger l'alif là car le dars d'aujourd'hui c'est le duel. hein? في السنة عيداني. هما عيد. هما عيد الفطر. ها، il faut lire direct parce que si tu me dis هما عيد عيدو. لا. parce que هما c'est quoi؟ c'est un duel. طيب. vas-y هما عيد الفطر. عيد الفطر وعيد الأضحى. c'est quoi العيد الفطر؟ c'est le après رمضان. نعم. طيب وعيد الأضحى. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير. أبوك تاجر. تاجر كبير. نعم. كم متجرا؟ متجرا. نعم عنده سيدير ماغازان. طيب و si tu dis par exemple متجرا كبير ce serait comme un supermarché. و suivant عنده متجران متجران. نعم عنده متجران كبيران. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ très bien ما شاء الله. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ في نافذات. regarde bien. في نافذات. فيها tu l'as dit. t'as dit فيها؟ non. j'ai pas entendu. عفوا. في نافذات. فيها نافذتان. في نافذتان. suivant. لمن هذان دفتران؟ très bien. لمن هذان دفتران؟ هما لي. نعم. داود. يا أيمن. من هاتان المسترتان. نعم مسترتان هي الجوال دو سي لا ريغل مسترتون. طيب. هما لي. نعم هما لي. طيب je pense que tous les mots ont été traduits hein. c'est pas trop difficile inchallah. et la leçon 18 elle contient deux dars. المثنى et كم الاستفهامية. طيب on va commencer par le Muthanna. regardez bien. regardez par exemple كم أختان. la deuxième phrase du مدرس. tout le monde y est. hein? regardez bien. كم أختان. et dans la réponse il dit quoi؟ لي أختاني. vous avez compris؟ c'est-à-dire le duel barakallahu fikoum c'est ismu arab naba'an mufraday lafdan wa ma'na bi ziyadati alif wa nun wa ya wa nun wa kana salihan li tajridihi minhuma. طيب je répète ismu arab. arab c'est à dire c'est un nom déclinable c'est à dire qui change. طيب et ça inchallah il y aura un dars khas dans le 3 pour que vous compreniez c'est quoi ismu arab. hein? par exemple mu'arab on avait dit quoi comme quand tu dis Zaydoun Mu'arab, ça veut dire quoi? La harakat à la fin, la voyelle change. Ja'a Zaydoun. Ra'itu Zaydan. Maratu bi Zaydin. Est-ce que Zayd, ça a toujours été la même terminaison? La hada wa ma'na Mu'arab. Taïb, Inch'Allah. Après, il te dit Naba al Mufraday. Vous avez compris? Le duel, c'est quoi? C'est qu'il va remplacer son singulier. Taïb. Bi ziyadati alifwannin. Alifwannun. Ça veut dire quoi? Barakallahu fikoum. Le muthanna, c'est-à-dire le duel par rapport à son singulier, il y aura un surplus de quoi? De alif ou anoun. Et ce alif ou anoun, quand il sera quoi? Marfou'. Taïb? Et le marfou'. C'est soit un mubtada ou soit un quoi?

نعم طفلاني صغيران. تيجي خلاص ها طفل نعم enfant suivant لي عيناني وأذناني ويداني ورجلاني. très bien. Très bien, le Hay, c'est-à-dire le quartier. Très bien, Inch'Allah. Fi hadha al-Hay, madrasatani. Salatul Fajri, rak'atani. Très bien, Salatul Fajri, rak'atani. Suivant. Lil-Baytu. Lam-Jar. Lil-Bayti. Lil-Bayti. Maftouhani. Regarde bien. Si tu enlèves en lifou alam, ça veut dire c'est quoi le mot? Enlève en lifou alam et lis-le-moi. Lis le mot. Premier. Non, je veux dire alif wanoun à la fin de. Maftouhou. Regarde bien. Après le ta, il y a un waouh pour que tu puisses dire maftouh. Maftah. Si tu enlèves alif wanoun, regarde le mot là. Si tu l'enlèves là. Lis-le, qu'est-ce que tu vas lire? Même si tu ne savais pas lire, par exemple, le duel, c'est un mot qui est pour que tu trouves. Qu'est-ce que tu fais? Enlève Alif Wanoun. Tu retrouves quoi? Le mot de base ou non? C'est roi, non? Non, regarde bien, Kamel. Il n'y a pas de waouh. Comment tu arrives à lire Meftouh? Après le ta, il y a un waouh? Non. Ah, là, c'est pas possible que tu lises Meftouh. T'as pas trouvé? Non. Abdallah? Miftah. Regarde bien, si tu enlèves Alif et le Noun, Miftahoun, voilà, c'est pour ça, celui qui a bien compris la signification du duel, il va trouver quoi? Il va trouver le mot de base. Il enlève Alif ou Noun, il met son mot de base. C'est pour ça l'importance de quoi? D'apprendre le vocabulaire. C'est-à-dire, celui qui a appris bien le vocabulaire, il pourra lui-même former quoi? Un duel maintenant. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, celui qui sait dire la porte, tout ça, Baboun, Babani. Nafidatu, nafidatani, qalamun, qalamani, miftah, miftahani, tout seul. Juste, il rajoute Alif wa Noun. C'est pas difficile. T'as eu l'ilbeiti, miftah, miftahani. T'as eu, au suivant. Non. Très bien. Liman hatani, al-baqaratani, huma lil-fallahi. Au suivant. Non. Ouais, à la fin, ouais. Ouais, le kasra à la fin, tu veux dire. Tu vois. Mais c'est pas la kasra, c'est-à-dire il est mesrour. Nous, c'est le alif qui nous intéresse. Il est marfou. Barakallahu fi. Le suivant. Inkliter. Non. Ahadani tabibani min inkliter. Non. La huma min fransa. في قريتي مسجدان صغيران. très bien. في قريتي مسجدان صغيران. طيب انشاءالله tout le monde a compris hein. Vous avez compris Kamel? وعليكم السلام ورحمة الله. طيب grand 3 اقرا الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا كم واضبط آخره. طيب il demande de mettre un tamiz. Le tamiz, c'est quoi on a dit? C'est le mot qui vient après kam. Taïb? Tout le monde a compris, Inch'Allah. Regardez, kam urtan laka, kam qalaman indaka, kam siyaratan indaka. Taïb? Le premier, vas-y. Kam khamisana, khamisani laka, indaka. Non, comment? On a dit que le tamiz, il est nakira. Comment tu nous dis comme Khamisan? C'est qu'on sait combien. Tu dis comme non, combien non. De deux Khamis? Ça se dit pas ça. Non, non. Comme Khamisan. Khamisan? Ah. Non, là-bas c'est Khamisun, comme Khamisan, Indaka. Khamisan, Indaka. Non, au suivant. Taïb, toi t'as fait la deuxième phrase, c'est Kam Akhan Laka. À toi, Mohamed. Kam Fanadar Khan. Tu l'as singulier, tu me demandes ça. Kam Fundukhan Fi hada shari'i. Taïb. Très bien. Kam Fundukhan Fi hada shari'i. Au suivant. Kam Rajulan Fi qariyatika. Fi. Kam Rajulan Fi qariyatika. Au suivant.